La poésie, ça s'amuse avec des contraintes dans les pas du Père Ubu et même entre les cases noires d'un mot croisé. À jouer ce soir avec Lou Lipien, Hervé Letellier, la commissaire d'exposition Julie Pellegrin et le verbicruciste et écrivain Jacques Drillon. Poésie et ainsi de suite par Manou Farine. Et c'est jusqu'à minuit. Hervé Letellier, Julie Pellegrin, Jacques Drillon, bonsoir. Bonsoir. Bienvenue. Jacques Drillon, écrivain, critique musicale, littéraire, verbicruciste, dans les pages de l'Obs depuis une quinzaine d'années, et à ce titre auteur d'une théorie des mots croisés qui paraît chez Gallimard. Julie Pellegrin, vous co-signez l'exposition Alfred Jarry, Archipelago, la valse des pantins, acte 2, à la ferme du Buisson à Noisiel, et Hervé Letellier, écrivain, poète, journaliste, membre de l'Oulipo, membre éminent du dominical Papou dans la tête sur France Culture. Avant de se pencher sur la réédition de la chapelle Sextine au Castor Astral et la parution du volume 9 de la bibliothèque oulipienne, on va commencer par le début. Et le début commence par la voix que vous avez souhaité entendre, c'est celle-ci. Je sais bien aussi que tous les linguistes, enfin tous les savants, et depuis fort longtemps, ont absolument renoncé au problème de l'origine du langage. Enfin, on remet ça à des temps futurs. Enfin, on s'en occupera plus tard. Mais le langage, en première approximation, c'est purement utilitaire. C'est somme toute, son usage courant est assez dénué de valeur. Parce que si on dit il fait beau, et qu'il fasse beau, ça n'apporte aucune information, ça ne sert à rien de dire ça. C'est évidemment ce qu'on dit en général, c'est à peu près le thème de la conversation courante, de dire ça va, il fait beau, des choses comme ça, il y a un nuage, ce qui n'a aucun intérêt réel. Et alors, d'autre part, si on dit le contraire, ça n'est pas du tout humain, parce que c'est une plaisanterie sans valeur. Enfin, s'il fait beau qu'on dit qu'il pleut, ça n'a pas un grand intérêt. Alors, mais entre les deux, il y a tout de même une zone d'information. Eh bien, entre les deux, il y a, je crois, ce qu'on appelle la poésie. Enfin, la littérature ou la poésie. Pour ma part, je ne fais pas de différence entre les deux. Il y a eu une... On sait bien que la littérature a été mise en question. On a mis la poésie en pointe, enfin, on l'a sorti de la critique de la littérature, mais enfin, disons, enfin, pour moi, que c'est la même chose. Et disons la poésie, si ça peut faire plaisir. Enfin, eh bien, oui, en effet, je crois qu'entre les deux, il y a ce qu'on appelle la poésie, c'est de savoir dire qu'il pleut quand il fait beau et il fait beau quand il pleut. C'est contraire à ce que disait la Bruyère, mais... C'est un peu ça quand même la poésie, c'est-à-dire dénoncer des phénomènes qui ne sont pas immédiatement perceptibles. La voix de Raymond Queneau dans un entretien avec Georges Charbonnier, c'était le 2 février 1965. Hervé Letellier, qui entendez-vous ? Moi j'entends, d'abord j'entends un homme qui a beaucoup réfléchi sur ce qu'est la langue, qui a réfléchi aussi beaucoup sur ce qu'est l'écriture, ce qui n'est pas tout à fait la même chose. Et c'est quelqu'un qui a beaucoup pensé aussi le phénomène qu'il explique là, d'ailleurs, de non-rupture entre la poésie et la littérature. Donc lui, il travaille vraiment dans un univers qui est entre les deux. Et toute sa poésie, d'ailleurs, à mon avis, restera encore plus longtemps que ses romans. Quand on regarde les textes de poétique de Queneau, ils sont magnifiques. Et c'est quelqu'un qui réfléchit aussi beaucoup sur l'orthographe. Il a travaillé aussi à une réforme de l'orthographe. À un moment donné, on lui demande, dans une autre interview, « Pourquoi est-ce que vous écrivez les voitures ?» avec marqué OUA, il répond, mais on dit les voitures. Donc j'écris comme ça se dit, les blue jeans, etc. Il a une réflexion sur la langue, qui est une réflexion moderne, parce qu'elle dit la langue est en action, la langue bouge, elle n'est pas figée. Et moi j'arrive d'un pays là tout de suite, je suis revenu hier du Canada, et au Canada ils sont en train de mettre en place une orthographe simplifiée, avec beaucoup de drames, hein, c'est-à-dire, bon c'est vrai que l'orthographe est considérée un peu en France comme quelque chose de sanctifier sur la base « j'en ai chié, mes enfants doivent en chier ». Je résume, mais en gros, c'est un peu ça. C'est une sorte de mauvaise action que de transmettre l'orthographe. Là-bas, il simplifie. Jacques Drillon, ça ne ferait pas vos affaires, ça, de verbicruciste, cette réforme de l'orthographe. Je pense surtout qu'on pourrait prendre le problème dans un autre sens et dire j'y suis arrivé, mes enfants y arriveront aussi. C'est vrai, ça serait la belle démarche. À quel moment cette voix, celle de Raymond Queneau, entre dans votre vie, Hervé Le Tellier ? Assez tardivement, la voix, puisqu'il est mort en 76 et que je ne crois pas que je l'avais vraiment entendu beaucoup. J'avais beaucoup lu Queneau quand j'étais adolescent. Elle est vraiment rentrée dans ma vie quand je suis rentré à l'Oulipo. C'est aussi simple que ça. J'y suis rentré quand j'avais 35 ans, donc il y a un petit bout de temps. En 92. Et je me suis beaucoup plus intéressé à des choses de Queneau que je ne connaissais pas. C'est vrai qu'on devient oulipien lorsqu'on rentre à l'Oulipo aussi. Hein. On l'est bien avant, mais on s'intéresse beaucoup plus à des choses qui font partie du patrimoine. Et j'ai écouté beaucoup d'interviews avec Charbonnier, et j'ai trouvé que celui-là était amusant. Il y a aussi un interview assez fascinant où on lui demande, il a écrit un poème qui s'appelle Terre meuble, et qui est un long sonnet qui ne respecte pas la prosodie du sonnet. Et il dit, la chose que j'aimerais par-dessus tout, c'est disparaître. Et Charbonnier est très étonné par ce poème. Il lui demande, c'est vraiment ce que vous pensez ? Et Queneau laisse passer un long moment et répond oui. Je pense qu'aujourd'hui, c'est plus très possible à la radio d'avoir, mais vraiment, ça dure 20 secondes, quoi. Oulipien, Hervé Le Tellier, vous l'étiez donc avant d'en être, hein, puisque tous les membres, je pense. Hein. Ce n'est pas vous qui avez candidaté, mais bien eux qui vous l'ont proposé à l'unanimité, j'imagine. Quel potentiel oulipien est-ce qu'ils avaient repéré en vous ? Qui étiez-vous à ce moment-là, en 92 ? En 92, j'étais quelqu'un qui avait publié un petit recueil de textes autour des cocktails, des petites nouvelles, mais je les avais faites d'une manière oulipienne sans le savoir. J'avais écrit des textes de 2000 signes, tous de 2000 signes, pour une raison totalement absurde. Je les écrivais pour un journal qui s'appelait L'événement du jeudi. J'étais tout le temps en retard. Et le metteur en page m'avait dit, bon, si tu remets en page, au moins remets 2000 signes, que ça rentre exactement dans la mise en page que je t'ai réservée. Et je m'étais amusé à lui rendre non pas 1999 ou 2001, mais 2000, tout le temps 2000. Bon, ça c'est plutôt oulipien en fait. Le goût de la contrainte remonte à loin chez vous, en tout cas c'est vous qui le dites, Hervé Le Tellier. Vous dites d'ailleurs le bonheur qui a été le vôtre quand enfant vous avez découvert l'alexandrin. Quel enfant est-ce que vous pouviez bien être pour vous mettre à parler en alexandrin avec tant d'enthousiasme ? Il me semble que beaucoup d'enfants, en découvrant l'alexandrin, en général la rime, la prosodie, sont assez fascinés par ça. Aujourd'hui il y a le slam, aujourd'hui il y a le rap, qui obéit d'une manière relative, mais à ces règles de fascination par la langue. Hein. Ça, chez les enfants, c'est naturel. Moi, j'étais un enfant de la génération pré-télé. Donc, pour moi, l'alexandrin, c'était le lieu d'accès aux livres, d'une certaine manière, parce que j'étais vraiment fasciné par Hugo. Je trouvais La Légende des siècles totalement fascinante. Hein. Et je la relis encore aujourd'hui. Hein. Je trouve ça mais d'une drôlerie. On devrait le faire lire, parce que c'est vraiment très, très drôle, Hugo. On devrait le faire rire aussi. Relire et lire. Mmh. Ah, ouais. Certains écrivains oulipiens ont existé avant Oulipo, hein, je pense à Calvino par exemple et à d'autres. D'autres auraient pu l'être il y a bien longtemps, hein, ouais. Ceux que vous appelez les oulipiens par anticipation. Certains ont plagiaires par anticipation. Ouais. De fait, oulipiens. Certains ont refusé, je pense à Cortazar. Vous, votre entrée dans l'Oulipo correspond à peu de choses près à votre entrée en littérature, hein, vous l'avez dit. Ouais. De quoi la contrainte pouvait-elle alors vous libérer ou vous protéger ? C'est difficile de dire parce qu'en fait, quand on écrit, on ne réfléchit pas en ces termes-là. C'est-à-dire, moi, j'écris sans contrainte naturellement. Enfin, je commence un livre sans contrainte. Et après, je rajoute une couche, qui est une couche de contrainte, ce qui me permet d'aller ailleurs. J'ai souvent eu une idée de roman que je vais laisser partir au fil de l'eau. Et puis, au milieu du roman, je vais me dire, j'aimerais bien avoir une contrainte narrative supplémentaire. Et je rajoute cette contrainte narrative et je réécris tout le début sur cette base-là. Et ça évolue dans un sens qui est celui... qui n'est pas naturel de la langue et pas naturel de la narration. Et ça m'amène à des endroits où je n'ai pas forcément pensé que je pouvais aller. Ça modifie des choses sur la fiction, beaucoup plus que sur la langue, parce que moi, je ne travaille pas énormément des contraintes qu'on appelle linguistiques. Je serais incapable d'écrire la disparition de Pérec, qui est ce roman écrit sans la lettre E. Ça m'échapperait totalement. Enfin, ça me ferait très, très, très, entre guillemets, au bon sens du terme, délirant. Mais quand vous dites que la contrainte, au fond, arrive en cours d'écriture, ouais. Ça veut dire qu'elle arrive pour combler un manque, qu'il vous manque quelque chose ? Non, ça m'amuse. Oui, sans doute que le fait de ne pas m'amuser m'ennuie. Donc ça vient combler le manque d'amusement. À un moment donné, je me dis, peut-être que la narration sera plus intéressante si. Bon, ça arrive aussi, évidemment, comme tous les oulipiens, d'avoir une idée qui est basée sur une contrainte et de faire un petit recueil de textes avec. Par exemple, j'ai écrit un livre il y a des années qui s'appelait « Les opossums célèbres » et qui était des petits poèmes qui étaient combinés d'une manière extrêmement simple. Je prenais d'un côté un homme célèbre et de l'autre côté un animal et je faisais le calamar Marcel Proust. Et donc c'était un très court poème qui mélangeait ou le homard Lynn Monroe. Donc là on voit bien que le poème naît de la contrainte. C'est-à-dire qu'on a une contrainte de départ qui fabriquait un mot valise comme le faisait Lewis Carroll. Et puis avec ce mot valise, j'ai des choses qui s'imposent de fait. C'est-à-dire que la contrainte impose des choses. Mais souvent je fais l'inverse. C'est-à-dire que je rajoute un petit vernis de contrainte au-dessus. Mais parfois le vernis peut être tellement épais qu'il déforme tout le meuble. Hein. C'est un gros vernis. Alors justement, il y a, j'imagine, plus d'un millier de contraintes répertoriées à ce jour, oui. Sans compter celles qui se sont avancées masquées. Je pense qu'elles sont au moins tout aussi nombreuses. La contrainte cachée peut avoir les mêmes enjeux, en tout cas pour vous, que la contrainte exhibée, ce qui par ailleurs est une problématique qui pourrait intéresser également un verbicruciste, cette question-là. La contrainte à l'Oulipo, il y a deux options, il y a deux choix qui peuvent être parfois des choix simultanés chez des auteurs. C'est la montrer ou la cacher. Il y a des moments où la cacher n'a aucun sens. Si vous faites la disparition, elle se voit, la contrainte. Je sais qu'il y a des gens qui ont lu la disparition sans la voir, mais à partir du moment où on la voit, et on voit qu'il manque le « e », ce qu'on voit aussi, c'est le chemin qui est parcouru dans l'esprit de l'écrivain pour éviter de prononcer un « e ». Par exemple, lorsque Pérec décrit une glace qui est un parfait au chocolat, on voit bien que le parfait, naturellement, est le café. Donc ce qui est drôle, c'est qu'évidemment, il fait un parfait au chocolat parce qu'il lui interdit d'avoir du café. C'est ça qui fait que l'exhibition de la contrainte rend la lecture intéressante. Mais si elle n'apporte rien à la lecture, pourquoi la montrer? C'est une sorte d'architecture cachée où on n'a pas besoin de voir dans un immeuble de verre et de métal les parties qui sont des parties qui servent uniquement à ce que l'immeuble tienne debout. Oui, c'est d'ailleurs, par hasard, le propre de la vie mode d'emploi. Exactement. Qu'on peut absolument lire sans avoir eu la moindre idée d'une contrainte existante, alors qu'il y en avait des centaines. Oui, ouais. Oui, pour parler d'immeuble, je veux dire. Oui, pour parler d'immeuble, oui. C'est un peu ça que j'avais en tête. Hein. Oui. C'est l'immeuble de le 11 rue Simon-Crubelier, sur lequel Georges Perec case son... Case est un beau terme, d'ailleurs, parce que c'est aussi, il y a un échiquier derrière. Case, sa narration, est un immeuble dans lequel on se déplace selon des règles, les personnages qui apparaissent selon des règles, on trouve des matières, des couleurs, des animaux, tout apparaît avec un cahier des charges, mais le cahier des charges n'était pas fait pour être exhibé. Il se trouve qu'après la mort de Pérec, la publication a été faite, et les gens qui aiment ce livre sont contents de l'avoir, mais il n'est absolument pas prévu au départ que ce livre soit présenté avec son mode d'emploi, plutôt d'ailleurs son mode d'emploi, mais son mode de construction. D'ailleurs, la vie mode d'emploi dit bien ce que ça veut dire. Mais le livre lui-même peut se lire absolument sans, et doit se lire sans. Je pense que c'est pas bien de lire un livre en cherchant la contrainte dans certains cas. Faut surtout pas, d'ailleurs. Des contraintes cachées, il y en a pléthore dans la chapelle Sextine. Sextine, je vais y arriver. Sextine. Pensez au mot sexe et rajoutez tine. Ça doit être pour ça que j'ai du mal. C'est ça. Un recueil de textes qui était paru en 2004 et qui reparaît aujourd'hui au Castor Astral. 78 scènes, un homme, une femme, des lieux différents pour une scène de sexe, oui, j'arrive à le dire, par chapitre, comme une sorte d'instantané cinématographique. Ouais. Et la construction, elle obéit plus ou moins à celle de la sextine, justement, et à bien d'autres systèmes circulaires. Pour le présenter, ce recueil, est-ce qu'il faut le présenter, le récit, ou le système? Non, je pense qu'il faut montrer les récits. Les systèmes sont très compliqués, donc j'ai juste mis à la fin un plafond. J'ai montré le plafond, j'ai montré ce que j'appelle le plancher, donc des choses qui permettent de construire autour du nombre 78. Mais au fond, le problème fondamental dans les scènes de sexe, c'est que c'est très répétitif. J'ai mis un exergue d'un texte de Roland Barthes qui est une préface et dans lequel il explique que le sexe et la relation sexuelle de manière générale sont des choses extrêmement répétitives et lassantes qui procure un plaisir inversement proportionnel à cette lassitude de la répétition. Donc, pour contourner le problème du sexe dans les romans, qui est toujours un moment difficile, hein, il y a aux États-Unis un magnifique prix qui est remis régulièrement chaque année qui s'appelle Bad Sex in Fiction Award. Récompense pour le mauvais sexe dans la fiction, qui a été remportée récemment par Jonathan Little, que l'on félicitera, et qui donc couronne le mauvais moment que l'écrivain se sent parfois obligé de mettre où il se passe quelque chose entre le narrateur ou pas, enfin deux personnages. Donc moi j'ai décidé de mettre dans un seul roman toutes les scènes de sexe que j'aurais pu mettre dans les autres, ce qui m'évite de le faire dans les prochains. Et donc j'en ai mis 78, qui sont toutes des scènes extrêmement crues, plutôt techniques, abordant à peu près tous les ressorts du sexe hétérosexuel, quoiqu'il y ait une petite ambiguïté sur deux personnages qui pourraient bien être finalement autre hétérosexuel chose. Et à deux. Et à deux, oui, oui, je suis un garçon d'une total manque d'imagination. Et pour éviter le côté répétitif, j'ai farci ça de contraintes. C'est-à-dire les lieux bougent, les parties du corps sont mobiles, on n'est pas du tout à chaque fois dans la même logique de narration, il y a des contraintes supplémentaires, ça se passe dans une serre où il ne peut y avoir que des mots latins, qui sont les mots des plantes, sauf évidemment les chlamydia qui, eux, ne sont pas des plantes. Quoique ce sont quand même des végétaux, presque, hein, ce sont des champignons. Voilà, je travaille avec ces contraintes de narration qui sont des couches superposées les unes aux autres pour parler de sexe. Je pense que c'est vraiment pas la peine d'avoir la contrainte pour lire le texte. Vraiment. Jacques Drian, vous l'aviez lu comme tel, comme un roman fondamentalement oulipien, ce livre-là, parce que je crois que vous lui aviez consacré d'ailleurs un article dans les colonnes du Nouvel Obs. À l'époque. J'ai pas 2004. Les mêmes problèmes sexuels qu'Hervé Le Tellier. Alors, je ne trouve pas du tout que ce soit répétitif. Non, j'avais aimé beaucoup le côté circulaire de la chose, qui me semblait rappeler la ronde. Oui, bien sûr. Ouais. Tous ces procédés-là. Comme je suis un oulipien raté, quand j'arrive à comprendre un petit peu comment c'est fait, il y a une sorte de plaisir de résolution d'une énigme, voilà, qui est un peu d'ailleurs commune avec les mots croisés. Quand on voit un petit peu comment c'est fait. Moi, j'ai beaucoup aimé la lecture du cahier des charges de la vie mode d'emploi. Ça m'a enthousiasmé, je dois dire. Le livre m'avait enthousiasmé, et quand j'ai vu comment ça avait été fait, ça a multiplié mon enthousiasme par 10. Voilà, je trouve que ça... Bien sûr qu'on peut le lire sans, mais le savoir ajoute vraiment beaucoup. Oui. Qu'est-ce que c'est qu'un oulipien raté? Bon, c'est un oulipien du premier degré, quoi. Moi, je m'impose des contraintes gratuites comme ça aussi, très souvent. Moi, c'est plutôt pour me décoincer. Ou bien, c'est aussi parce que les contraintes sont relativement commodes. Elles vous donnent un début, une fin, une manière de faire. Elles vous indiquent une direction. Enfin, et puis bon, si en faisant des grilles de mots croisés, je ne fais que ça. Je ne fais qu'obéir à des contraintes. C'est très contraint. Assez redoutable, oui. Ce texte-là, celui dont on parlait, donc la chapelle Sextine, est donc littéralement terrassé de contraintes, hein, au point qu'au final, il n'y a quasiment pas de texte, en tout cas beaucoup d'effets de liaison entre ces différents systèmes. C'est des choses très courtes, hein, c'est sûr. Oui, par ailleurs, oui, ouais. Ce sont des petits textes très courts. Donc, c'est sûr. Il y a un côté éjaculateur précoce. Ah oui, oui. C'est oui. Pas moi qui l'ai dit. Qu'est-ce que ça dit de votre idée de l'écriture, de votre propre rapport à l'écriture, justement? Que c'est presque évitement, au fond, du texte. Non, j'aime énormément les textes courts, de façon de manière générale. J'aime beaucoup l'idée du vice du travail qui est sur la très courte distance. J'aime énormément les contes brefs. Lorsque j'étais adolescent, j'adorais Sternberg. J'aimais beaucoup ce que faisait. J'ai découvert, je sais pas moi, Ramón Gómez de la Serna, les Gregorias. J'aimais beaucoup cette forme extrêmement ramassée de ce portugais aussi dont vous avez publié un. Comment s'appelle-t-il de son nom? Jaime Montestrella. Ah oui. Oui. Formidable, magnifique. Oui, on ne se moque pas. On se moque. Pourquoi? C'est un faux. Fictif. C'est un faux. Ah, formidable, alors compliment. Oui. J'ai inventé Jaime Montestrella. Et puis j'ai eu la surprise de recevoir, en tant que traducteur de cet auteur, le prix de l'humour noir. J'étais super content d'avoir réussi à avoir un prix pour un auteur inventé. Oui, Jaime Montestrella, j'adore l'idée même. Mais Jaime Montestrella est un hommage. Montestrella, et j'ai parlé de Sternberg. Montestrella, c'est mont de l'étoile en portugais, comme Sternberg, et c'est nom de l'étoile en allemand. Donc, ouais, c'est un. J'adore cette forme extrêmement ramassée du conte. Donc, j'essaye toujours d'avoir des formes courtes, y compris dans des romans plus longs. Donc, de glisser des petites gousses d'ail dans le gros gigot qu'est le roman. C'est un peu le projet général. Le Lipo est né en 1960. Nous sommes en 2015. Ça ne vous a pas échappé. Il s'est passé des choses en littérature en 55 ans. Beaucoup. Comment l'Oulipo a tenu compte de ça? Est-ce que les enjeux sont restés les mêmes? Ou au fond, quels peuvent être les rapports à l'histoire et à l'histoire de la littérature en général de l'Oulipo? Oula, en deux minutes. C'est compliqué parce que on voit bien d'où viennent les Oulipiens. Une partie d'entre eux viennent du surréalisme. Georges Perec a été très brièvement classifié dans le nouveau roman avec son premier texte qui s'appelle Les Choses. Le fait de travailler sous contrainte n'est pas exclusif de... Enfin, c'est juste une forme. Ça n'empêche absolument pas de participer à l'ensemble du mouvement de la littérature en général. On peut très bien faire un roman noir ou une autofiction en utilisant de la forme. C'est juste un principe, hein. Plus encore qu'un outil, c'est plutôt un principe. Donc un on participe du mouvement général de la littérature. La chose qui peut-être est différente, c'est qu'on est dans une... Il y a un fil continu de la littérature depuis l'origine de la littérature qui est le fil sous contrainte. Ce fil a été parfois extrêmement présent. Les grands rhétoriqueurs, le 15e, 16e siècle, a été un moment extrêmement dans la littérature mondiale, enfin européenne, dans lequel la littérature était quasiment entièrement sous contrainte. Et puis maintenant, la littérature sous contrainte représente un des fils de la littérature. Mais ça n'est pas qu'un programme ou ça n'est pas qu'une forme, comme vous dites, parce que par ailleurs, ce programme-là évacue quand même tout un pan de la littérature, ou en tout cas se méfie de la question de l'inspiration, etc. etc. Oui, parce que se méfie de la question de l'inspiration, à mon avis, à juste titre. Quand on travaille en littérature, on voit bien que de toute façon, comme disait Queneau, qui nous a précédés, le poète est toujours inspiré. Donc la question de l'inspiration est moins mise en avant qu'une question qui est souvent posée, qui est la question du pathos, la question de la douleur, la question de l'expression du sentiment à travers la littérature. À contrainte. C'est quand même oublié que les contemplations de Victor Hugo, qui sont un texte de la douleur et du deuil, sont écrits sous contrainte. On ne peut pas faire plus contraint que Demain dès l'aube. On ne peut pas faire plus sous contrainte que Le Dormeur du Val. Donc les poètes n'ont jamais été arrêtés par le fait d'utiliser une contrainte. Au contraire. Donc, oui, au contraire. Je pense sincèrement qu'une image que j'utilise beaucoup pour parler de la contrainte est juste. C'est comme un tuyau d'arrosage, la littérature. Si vous appuyez sur le bout du tuyau, ça va plus loin. Et j'ai toujours pensé ça. J'ai toujours pensé qu'en s'appliquant une contrainte, on va plus loin. Il ne faudrait pas, je trouve, ériger ça en principe. Il y a des gens pour qui la contrainte est un moteur et puis il y a des gens pour qui la contrainte est un frein. C'est exactement comme en musique, les histoires de développement. Il y avait des gens qui savaient développer, Beethoven savait développer, ça l'aidait de développer. Et Schubert ne savait pas développer, donc ça le coinçait d'avoir à développer. Voilà. Au fil du temps, sont nés tout un tas de variantes ou avatars de l'Oulipo, hein, version BD, musique, politique, cuisine, architecture, des cousins d'ailleurs plutôt, c'est ce que vous dites, en tout cas, plutôt que des avatars. Et comme dans toute famille, j'imagine qu'il y a des affinités plus difficiles que d'autres. Est-ce que ces cousins sont tous reconnus? Oui, d'abord on n'a pas vocation à labelliser les gens qui veulent créer. De fait, ça l'est un petit peu devenu. Oui, disons que les gens qui créent, il y a un ouvrage de radio potentiel dans lequel il y a d'ailleurs un éminent collègue de France Culture qui est Thomas Baumgartner. L'Ourapo existe, on a des liens fraternels avec eux. Il y a un Oukwipo, il y a eu un Oukwipo pour la cuisine. Et il y a surtout un Oubapo, ouvrage de bande dessinée potentielle, qui est très actif. Ce qui se passe, c'est que l'Oulipo a plus de vie derrière lui. On a eu 600 réunions, vous faites le calcul, 55 x 12, ça fait beaucoup de réunions, ça veut dire beaucoup de créations, ça veut dire aussi beaucoup d'élaborations théoriques. Et cette élaboration théorique, elle est à la disposition de tous les OUXPO. Et ça veut dire que lorsqu'on a travaillé sur... des réflexions sur la littérature en général, elles sont en général applicables à la peinture, à l'architecture, à la bande dessinée. Donc tout ce qui a déjà été élaboré. Qu'est-ce que c'est que le lipogramme en bande dessinée, vous voyez? Qu'est-ce que c'est que le lipogramme au cinéma? Qu'est-ce que c'est que... Alors il y a des choses où on voit. Il y a des films d'ailleurs qui sont construits de manière extrêmement, entre guillemets, ou lipienne, mais qui sont ou xpienne. Smoking, no smoking, de la Rennais, où on voit bien que c'est un arbre, c'est prévu comme ça. Il avait fait partie d'un ou-cinépo d'ailleurs, c'était un ami de Queneau. Donc il y a des logiques qui sont des logiques qui ont été parfois élaborées par l'Oulipo, mais qui sont transposables. Donc le fait que ce soit transposable fait que parfois ça exige de réfléchir sur ce que c'est qu'un sonnet, par exemple, en bande dessinée. C'est ce qu'a fait Étienne Lécroard, il a fait des sonnets en bande dessinée. Donc la rime, c'est une case. c'est magnifique. Hein. Mais faire revenir une case, je crois toutes les quatre cases, c'est un système très compliqué. Et ça marche. Assomme-je, Mère Ubu. Ce n'est pas moi, Père Ubu. C'est un autre qu'il faudrait assassiner. De par ma chandelle verte, je ne comprends pas. Comment, Père Ubu? Vous êtes content de votre sort? De par ma chandelle verte, merde, madame, certes, oui, je suis content. On le serait à moi. Capitaine des dragons, officier de confiance du roi Venceslas, décoré de l'ordre de l'Aigle Rouge de Pologne et ancien roi d'Aragon, que voulez-vous de mieux? Comment? Vous écoutez France Culture, Poésie et ainsi de suite, par Manou Farine. Julie Pellegrin, vous dirigez le Centre d'art de la Ferme du Buisson, scène nationale de Marne-la-Vallée. Elle affiche depuis quelques jours une exposition collective qui envisage l'influence d'Alfred Jarry sur la scène artistique, acte 2, puisqu'il y a eu un premier acte à Quimper cet été avec un autre corpus d'artistes. C'est donc Jarry pris littéralement comme motif, pour une part, hein, en tout cas des œuvres qui sont exposées, ou Jarry évoqué en sous-texte ou de façon plus lointaine, puisqu'il y est évidemment question de rencontres des contraires, de citations, de collages, de reformulations, de calembours, de langues cryptées et d'œuvres, beaucoup d'ailleurs, qui fonctionnent en circuit fermé ou qui fonctionnent en boucle, un motif central chez Jarry. 11 artistes de William Anastasi, artiste conceptuel américain, Julien Bismuth, artiste français des années 60 à peu près donc à aujourd'hui, et qui d'une manière ou d'une autre énonce une dette envers Jarry. Qu'est-ce qu'il y a présider à l'élaboration d'un tel corpus, Julie Pellegrin? C'est une œuvre, un artiste en particulier? Il y a eu comme une sorte d'intuition au départ. On est vraiment parti de Jarry, en se disant une chose quand même, non, un peu, donc c'est vraiment un peu spéculative, on va dire, puisqu'à la lecture de Gestes et opinions du docteur Faustrol, on s'est dit, mais en fait, Jarry, dans ce livre, fait œuvre de commissaire d'expo, puisqu'il décrit ce voyage sur terre ferme d'île en île, mais chaque île est habitée par un artiste de son temps et une œuvre. Sachant que ces œuvres-là avaient été créées pour la totalité des chapitres dont il est question, 17 mois avant l'écriture du roman. Donc c'est une espèce de photographie de l'hyperactualité artistique de son temps, qui mélange à la fois des écrivains, des peintres, des dessinateurs, qui étaient des gens qu'il appréciait et dont il s'est approprié en fait le travail pour le transformer en fiction. On s'est dit donc aujourd'hui, quel paysage artistique dessinerait Jarry s'il voyageait dans l'art actuel, en particulier les arts plastiques, puisque c'est notre sujet. Donc convoquons Jarry comme commissaire posthume d'un ensemble de projets qui allait être réunis sous cette appellation Alfred Jarry Archipelago, qui en fait excède hein, le simple binôme Quimper, la ferme du Buisson. Parce que ça continue encore après, voilà, il y aura une publication. Il y a eu un chapitre en Italie, il y en aura un autre en Belgique, il y aura un festival à la ferme du Buisson en février, et puis une publication commune. Et pourquoi pas, on peut continuer comme ça des années, à tirer des fils jarriesques d'une lecture comme ça de la création contemporaine et de la performance contemporaine. Ça, c'était une question importante pour nous. Parce que la performance contemporaine pourrait véritablement devoir quelque chose à Jarry. On est toujours dans le domaine de la spéculation. Hein. C'est-à-dire qu'on a vraiment commencé à travailler sur ce projet sur la base d'une intuition qui s'est transformée en un projet totalement spéculatif, donc aussi totalement subjectif. Mais à un moment donné, on s'est dit, tiens, pourquoi pas imaginer que Jarry, entre autres choses, serait l'inventeur de la performance. Puisque ça a été quand même un des premiers artistes à opérer cette fusion entre l'art et la vie, de manière complètement différente d'ailleurs des dandys qui lui étaient contemporains, parce qu'il ne s'agissait pas d'esthétiser la vie, mais vraiment d'opérer un brouillage des frontières assez radical entre ce qui relevait de l'art et ce qui relevait de l'être, comme il le disait si bien. Donc Jarry, sa biographie est truffée d'anecdotes, hein, mais en même temps, je pense qu'elles sont assez représentatives. Il s'est identifié à son personnage Dubu jusqu'à devenir lui-même une sorte de marionnette. Il avait un parler, un phrasé comme ça, extrêmement saccadé, des gestes très mécaniques. Il a été un des premiers artistes à se déguiser en femme, mais pas dans l'idée d'une représentation. Il se déguisait en femme avec les habits de son ami Rachilde pour se promener dans la rue ou pour aller à l'enterrement de Mallarmé. Il se grimait en verre et il se promenait la nuit dans les rues de Paris en hommage à l'absinthe, mais sans public. Hein. Donc pour nous, oui, il y a quelque chose qui est assez fondateur à cet endroit-là, puisque je crois qu'il ne s'agit pas uniquement d'excentricité, mais aussi d'une manière de vraiment s'inventer soi-même, y compris en termes de questions de genre. Hein. C'est des questions après qu'on va retrouver beaucoup plus tard dans les gender studies, et comment on se performe soi-même et on performe voilà, le fait d'être homme ou femme. Et Jarry, à sa manière, avait un peu anticipé ça, voilà, de manière plus ou moins discrète, mais je pense quand même assez solide pour que ça traverse le XXe siècle. Jacques Drillon, Hervé Le Tellier, quel jarriste êtes-vous ? L'Oulipo est d'une co-commission du Collège de Pataphysique. Et le Collège de Pataphysique était un groupe qui était formé en hommage à Jarry. Donc, d'une certaine manière, voilà, Jarry est en directe filiation. C'est vrai qu'on connaît mal Jarry. Hein. C'est vrai que tout ce que vous dites de lui, je crois, est assez peu connu. Je pense qu'effectivement, il annonce du chant, par exemple. Et le rapport que Duchamp, bien sûr, qui va naître. Je pense aussi qu'il est... Il est influencé de son côté par des gens qui sont les gens du Salon des Arts Incohérents. Hein, c'est quelle année ça ? C'est 1880. Voilà. Donc, ce sont c'est un bouillonnement hein, qui est un bouillonnement d'après après la Commune. En préparant l'émission, Julie Pellegrin, vous avez choisi une voix, ou plutôt deux, c'est-à-dire l'une évoquant l'autre. Et c'est celle-ci. Ils commencèrent de s'aimer. Et ce fut comme le départ d'une expédition lointaine, d'un grand voyage de noces qui ne parcourait point des villes, mais tout l'amour. Quand ils s'unirent d'abord, Hélène eut peine à ne pas crier, et son visage se contracta. Pour étouffer sa souffrance aiguë, il lui fallait quelque chose à mordre, et ce fut la lèvre de l'Indien. Marcueil avait eu raison de dire que, pour certains hommes, toutes les femmes sont vierges. Et Hélène en souffrit la preuve, mais elle ne cria point, quoique blessée. Ils se repoussèrent au moment précis où d'autres s'enlacent plus étroitement, car tous les deux, ils se souciaient d'eux seuls et ne voulaient point préparer d'autre vie. Le second baiser, mieux savouré, fut comme la relecture d'un livre aimé. Au bout de plusieurs seulement, Hélène put démêler quelques plaisirs au fond des yeux étincelants et froids de l'Indien. Elle crut comprendre qu'il était heureux de ce qu'elle était heureuse jusqu'à souffrir. Sadique, dit-elle. Marcueil éclata d'un rire franc. Il n'était pas de ceux qui battent les femmes. Quelque chose en lui leur était bien trop cruel pour qu'il eût besoin d'y ajouter. Ils continuèrent, et chacun de leurs baisers fut une escale dans un pays différent où ils découvraient quelque chose, et toujours une chose meilleure. Hélène paraissait décidée à en être un peu plus souvent heureuse que son amant et à atteindre avant lui le but indiqué par Théophraste. L'Indien approfondissait en elle des sources de plaisir angoissées qu'aucun amant n'avait effleurées. Un extrait du Surmal, donc le dernier roman d'Alfred Jarry, hein, écrit en 1902 et lu par Annie Lebrun le 11 novembre 2012 au Banquet de la Grâce. Pourquoi fallait-il que ce soit sa voix à elle pour nous faire entendre ce texte, Julie Pellegrin ? Je crois que moi j'ai envie de pleurer quand j'entends Annie Lebrun qui lit le Surmal. Je crois qu'Annie Lebrun a été une de celles aussi qui a pointé justement cette méconnaissance de Jarry, qui a quand même, dans La Fortune critique, est un peu passée dans l'ombre de son personnage et de la, du scandale du but. Donc elle pointe le fait qu'il y a toute une partie de l'œuvre qui est relativement méconnue. Et par ailleurs, je pense qu'elle le replace aussi dans une certaine histoire de la modernité. Donc elle a écrit cette postface au Surmal qui s'appelle « Que c'est petit, un éléphant », qui est pour moi un chef-d'œuvre. Enfin, c'est une, la postface est aussi belle que le roman lui-même, et Dieu sait si j'aime le Surmal. Mais donc, je ne sais pas si Hervé Le Tellier connaît le Surmal, mais donc le fameux défi... dont parlait Théophraste, qu'évoque Annie Lebrun, c'est la possibilité pour l'homme de faire l'amour 70 fois en 24 heures. Donc, va essayer de relever le héros du roman. Une contrainte, donc. Donc, une sorte de contrainte. Oui, c'est beaucoup plus dur que les trois petits lus en 3 minutes. Une contrainte, donc, qui va être absolument... relevé par le héros et sa compagne, parce qu'il y a quand même un magnifique personnage féminin dans le récit, mais qui est aussi une contrainte d'écriture pour Jarry, même si, pour la première et la seule fois, il dit avec le Surmal qu'il va essayer d'écrire comme tout le monde. Donc le roman est comme ça d'une apparente simplicité, mais ce qui nous a justement intéressé chez Jarry, c'est que même quand il fait simple, il y a toujours une forme de complexité et d'hétérogénéité. D'ailleurs, lui-même disait « la simplicité, c'est la complexité resserrée ». J'aime beaucoup cette idée, justement, par rapport aux œuvres qui sont présentées dans l'exposition. Alors justement, le Surmal est présent à plus d'un titre dans l'exposition, de façon plus ou moins équivoque. Littéralement, je pense à Julien Bismuth et donc à ses photographies en noir et blanc de pages de Jarry qui sont disséminées un petit peu partout dans l'exposition, parmi lesquelles des pages du Surmal, mais je pense aussi, de façon peut-être plus cryptée, au travail sur les mots de Sade par Paul Chan, et peut-être à une pièce de 1964, je crois, du doyen de l'exposition, l'artiste américain William Anastasi. C'est une chambre à air suspendue, dégonflée, assez lamentable, sur laquelle est installé un haut-parleur qui diffuse de façon comme ça, quasi tautologique le son d'un pneu qui se dégonfle. Quel dialogue, justement, cette débandade-là pourrait engager avec Jarry ? Mais c'est amusant parce que je n'avais jamais perçu la dimension érotique du flétis ailleurs. Ah ben moi, décidément. Mais je pense qu'elle est absolument présente, puisque c'est vrai que cette pièce est entourée d'un manuscrit dont on va peut-être parler. Manuscrit extraordinaire. Voilà, donc une sorte d'étude comparée entre Jarry et Duchamp, qui s'appuie beaucoup sur le Surmal et sur la question de l'érotisme, justement, dans la modernité. Donc, je n'avais pas vu cette pièce de cette manière-là, mais je pense qu'il y a mille lectures. Il se trouve que quand on a décidé d'inviter William Anastasi, qui est un des seuls artistes de l'exposition dont l'œuvre fait directement référence à Jarry et qui est un véritable spécialiste de Jarry, c'était pour présenter son manuscrit. Et puis, on lui a posé la question, justement, de ses œuvres historiques, puisqu'il est plutôt assimilé à l'art conceptuel et il a fait toute une série de sound pieces, donc d'œuvres sonores, tautologiques, donc vraiment dans la tradition de l'art conceptuel, qui sont des sortes de ready-made comme ça, d'objets quotidiens qui produisent leur propre son. Donc là, il s'agit effectivement d'un pneu qui est déjà dégonflé, mais dont on entend le son du dégonflement. Et je lui disais, est-ce que vous voyez une relation entre ce type d'objet et Jarry ? Il me dit, oh, ce sont les objets les plus idiots que j'ai jamais réalisés. Et j'aimais beaucoup cette idée et le fait que ça puisse présider au choix d'une œuvre dans ce type d'exposition, qu'on revienne aussi sur tout le sérieux de l'art conceptuel pour en révéler un peu la nature ludique et critique. Mais c'est vrai que j'avais la partie anthropomorphique, l'aspect anthropomorphique de la pièce. Voilà. me faisait plutôt penser au ventre du but, parce qu'elle évoque aussi voilà, un cercle, un intestin qui se dégonfle. Et comme on sait, le personnage du but est plutôt enflé de vide. Donc ça aurait été une manière de... comme si on avait piqué la gidouille du but et qu'elle se serait dégonflée de cette manière-là. Alors justement, dans le même espace, donc c'est cette œuvre spectaculaire du même Anastasi, 960 pages manuscrites qui sont collées au mur comme un papier peint, hein, comme un all-over, qui sont les pages d'une étude entamée en 91, dans laquelle Anastasi met à jour avec une précision démente les liens entre Marcel Duchamp et Alfred Jarry. Qu'est-ce que Duchamp doit à Jarry. Alors ça, je vous laisserai lire les 900 pages du manuscrit dans les... Mais c'est assez bien rangé en même temps, ça a l'air comme ça, tout à fait échevelé, mais il y a à chaque fois la partie du chant Jarry, l'alterne du chant Jarry. Oui, oui, parce que bon, Anastasie est quand même un dessinateur avant tout, donc il disait que de toute façon il avait écrit ce manuscrit un peu de la même manière qu'il fait ses dessins, donc il y a quelque chose de l'ordre de l'écriture automatique aussi, mais il utilise trois couleurs, une pour les références à Duchamp, le rouge pour les citations de Jarry et le bleu pour ses propres commentaires. Donc c'est à la fois une sorte de recherche pas du tout universitaire, puisqu'il n'a pas de formation académique, mais on va dire plutôt une recherche obsessionnelle et obsédée de tous ces motifs qu'il identifie chez Duchamp et qui seraient redevables de Jarry. Pour en citer quelques-uns, il y a en effet donc toute une comparaison entre le travail sur le grand vert étant donné et le surmâle dans cette dimension érotique, dans le rapport machinique et mécanicien à l'amour, qui est quand même une vraie question de la modernité et que Jarry a inauguré avec le surmâle, mais aussi d'autres textes. Dans le surmâle, il invente une machine à inspirer l'amour qui est supposée guérir le surmâle de son espèce de férocité érotique comme ça, et qui finalement va elle-même tomber amoureuse de lui. Donc il y a une vraie critique de ce que Michel Carouge va appeler plus tard les machines célibataires et qu'on va retrouver tout au long du XXe siècle. C'est-à-dire ces machines qui fonctionnent en circuit fermé, en autonome, donc qui renvoie tout à fait d'ailleurs ce que j'ai sous les yeux là, qui est la spirale que Hubus dessine sur le ventre, qui est aussi une figure d'onanisme, mais aussi un temps cyclique, métaphysique, qui est vraiment une figure à la fois formelle et existentielle qu'on retrouve dans toute la littérature de Jarry. Anastasie dit aussi que le deuxième R de Eros, c'est la vie, viendrait éventuellement du deuxième R de Merdre, qui lui-même viendrait du deuxième R de Jarry, en comparant aussi toute l'équation de Duchamp, merde sur art, regarde, merde sur art, etc. Il y a des choses qui sont comme ça très, très convaincante en termes de preuves patentes de cette influence que Duchamp a plus ou moins toujours niée. Alors, selon Anastasie, il aurait convoqué Roussel, Brisset, d'autres comme référence absolue pour brouiller les pistes, justement, puisque la référence pour lui aurait été Jarry. Et après, il y a d'autres moment un peu plus, on va dire, interprétatif et subjectif, quand il dit par exemple que Fontaine, donc ce ready-made constitué d'un urinoir, serait une manière de tirer la chasse sur toute cette merde qu'avait désigné Jarry dans le première interjection du but. Hervé Le Tellier, peut-être un commentaire sur ce lien, pas tout à fait souterrain, entre Duchamp et Jarry. Duchamp, je rappelle, a été coopté à l'Oulipo en 62, je crois. Oui, oui. Enfin, ce qu'on sait peu. Voilà. Il y a pas mal de bios de Duchamp où ça apparaît pas. Moi, je connais mal cette affaire de lien entre Jarry et Duchamp. Celle qui me paraît évidente, c'est celle entre Duchamp et Roussel. Ça me paraît plus visible. Et puis, ils avaient une passion pour les jeux, l'échec, les échecs. Voilà, ce sont des choses communes, mais je connais en fait assez mal cette partie-là. Transition. Je vous remercie pour la transition. Ah, je vous en prie. Puisque c'est l'heure du jeu. En tout cas, on poursuit. Julie Pellegrin, Hervé Le Tellier. Donc, on vous retrouve tout de suite avec Jacques Drillon, écrivain, critique de cinéma, de littérature, de musique. On y reviendra. Et mot croisiste, notamment dans les pages du Nouvel Obs, fonction que vous occupez à partir de 2003. Vous prenez à ce moment-là la suite de Robert Sipion, disparu 2 ans plus tôt. Auteur notamment du très subtil Do et pas Ut, en 11 lettres, c'est ça ? Demi-sommeil. Demi-sommeil. Sipion, pas mal, hein ? Pas mal. Ouais. Sipion, à qui vous consacrez un chapitre de votre théorie des mots croisés qui paraît chez Gallimard. Comment est-ce que vous définiriez l'écriture ou l'œuvre, puisqu'on peut parler d'œuvre, à propos de mots croisés, en tout cas c'est ce que vous dites, de l'œuvre qui a été la sienne ? C'est une œuvre cruciale. Enfin, je, non. Si, je vous en prie. Non, c'était très bien. Non, il a son importance parce qu'il était. Enfin, il a donné ses lettres de noblesse au genre. Il était techniquement très constant. Perec était plus explosif, plus fulgurant. Il avait des trouvailles absolument géniales, mais c'était très très faible aussi parfois. Et le passage de l'un à l'autre est toujours un petit peu difficile pour le joueur. Qu'est-ce que c'est faible, hein, pour un verbicruciste ? Oh, c'est une définition, un synonyme tout bête. Ça, c'est les mots fléchés. Oui, un petit peu. Mou, défini par lâche, ou enfin quelque chose comme ça, vous voyez. Tandis que Scipion était d'une constance admirable. C'était jamais, presque jamais génial, mais c'était toujours extraordinairement bien fait. Voilà, c'était un petit peu comme, je ne sais pas comment dire, comme les chansons de Brassens, quoi. C'est pas génial, mais c'est parfait. Voilà. Et Scipion, c'était un petit peu comme ça. Et puis, bon, il a fixé des espèces de canons qui sont, par exemple, le fait de faire un pourtour entièrement blanc dans la grille, de ne jamais mettre de case noire sur le pourtour de la grille, ou pratiquement jamais. Il a fixé des conventions avec le joueur, des manières d'annoncer les chevilles, des manières d'annoncer les homophonies, voilà. Mais ce n'est qu'un jeu, donc je veux dire que ça n'a pas grande importance. Si ce n'est l'importance que peuvent avoir les jeux depuis très très longtemps, et, puisqu'on en parlait entre Duchamp et les autres. Donc depuis Édipe et le Sphinx, justement, puisque Tristan Bernard avait proposé que le verbicruciste soit le sphinx et le cruciverbiste l'Édipe. Le sphinx est toujours représenté en hauteur, sur un socle, sur un rocher, et regardant Édipe de haut, et Édipe est donc en dessous, et il trouve le sphinx bien supérieur à lui, à tous les points de vue, puisque le sphinx sait. Il connaît la solution de l'énigme, et lui ne la connaît pas. Mais voilà, il la trouve. Et la trouvant, il tue le sphinx. Enfin, le sphinx se tue, se jette et se tue. Et donc, à ce moment-là, Édipe reprend sa place supérieure. D'ailleurs, il reste seul, donc il a gagné. Et puis, voilà, le problème des mots croisés, c'est que la semaine suivante, ça recommence. Donc, de nouveau, le sphinx est au-dessus de son rocher, car il y a toujours un petit peu de phénix dans le sphinx, si j'ose dire. Il est rené entre-temps, et il recommence. Et donc... Il se tisse cette espèce de lien extrêmement sinusoïdal entre les deux, qui va de la rage, de la haine, l'énervement, etc., qui sont les premières minutes pendant lesquelles le joueur découvre la grille, et il ne comprend rien, il ne trouve rien, il l'a lu entièrement, complètement, ça ne va pas, rien ne lui est venu, jusqu'au moment où il a terminé sa grille, et où là, il se met... Enfin, il est à la fois plein de fierté, de reconnaissance, de sympathie, même d'intimité avec celui qui avait choisi, et pour lequel il a payé d'ailleurs, en plus, celui qui avait choisi de le faire souffrir. Ce couple-là, Jacques Drillon, vous le décrivez comme un couple d'égal à égal, deux experts d'égale force, chacun chez soi, un virtuose joue avec un autre virtuose. Pour autant, est-ce qu'il n'y aurait pas quand même, de la part du verbicruciste, donc vous, une sorte de forme de petite méchanceté qui animerait le verbicruciste, qui est responsable justement de ces tortures de l'esprit? Et après tout, le cruciverbiste commence toujours par souffrir, vous l'avez dit, et vous le savez. Oui, je cherche à le faire souffrir, ça c'est sûr, oui. Parce que, enfin, c'est aussi une question là aussi c'est une question de convention. Le joueur vient parce qu'il sait qu'il va souffrir. Comme on va se faire battre voilà. Oui, donc. Soyez plus précis, Jacques Drillon. Je pensais à Charlus, bon, voilà. Mais c'est un petit peu ça qui se passe. C'est-à-dire qu'il y a une entente tacite. Il se trouve que l'Ops a une tradition, du point de vue des mots croisés, c'est de faire les plus difficiles de tous. Donc, ces grilles sont vendues comme telles, c'est comme ça, on le sait. Les gens le savent, les clients le savent, les lecteurs, les joueurs, etc. le savent. Et c'est ce qu'ils veulent. Donc les plus forts des clients font les mots croisés de l'Ops. Voilà, c'est une sorte d'entente. Si vous voulez faire des mots croisés faciles, vous prenez ceux du monde, vous faites votre trajet en métro et vous remplissez votre grille. Elles sont faites pour ça, par quelqu'un qui sait qu'il les fait pour ça. C'est un autre pacte. C'est comme ça pour tous les produits qu'on vend. Voilà. On ne vend pas une ligne de chevaux comme une Rolls-Royce. Et non, mais je, les auteurs du monde apprécient. Non, d'accord, mais c'est, oui, mais je crois qu'il est tout à fait d'accord avec ça. Il le sait très bien. Il travaille dans un quotidien. Moi, je travaille dans un hebdo, donc les joueurs ont toute la semaine pour le faire. Si je fais, il m'est arrivé de faire des grilles plus faciles parce que on m'avait reproché de les faire trop difficiles au début, où je cherchais un petit peu ma manière, et j'ai reçu des lettres très extrêmement mécontentes de gens qui me disaient si on les fait en 2 heures, c'est pas la peine. Nous, on veut les faire en au moins 2 jours. Il faut qu'une nuit passe, par exemple, parce que le matin, on a les idées, on trouve les solutions. Et donc, bon, ben, j'ai remonté le niveau, et voilà. Et donc, à chaque fois que je peux faire plus difficile, je fais plus difficile. Est-ce qu'il faut être cruciverbiste pour être verbicruciste ? Je l'ai été, je ne le suis plus. Scipion avait écrit ses premiers mots croisés par ennui, je crois, alors qu'il faisait un reportage dans les mers du Sud sur les baleines. Et vous, qu'est-ce qui vous a finalement décidé ? La mort de Scipion. Je m'entendais très très bien avec lui en tant que joueur. Je les faisais très régulièrement. Mon père les faisait, je les faisais avec lui. C'est comme ça que j'ai commencé, en planchant sur les mots croisés de Scipion quand j'avais, je sais pas, peut-être 13-14 ans. Et je trouvais ça absolument infaisable. Et quand mon père trouvait, je l'admirais énormément, comme un fils peut admirer son père, parce que c'était introuvable. Et quand Scipion est mort, je me suis dit, je vais essayer. Et puis l'ensemble de contraintes m'a beaucoup séduit, le fait d'être obligé de... Par exemple, il y a un côté sportif dans chez celui qui fait la grille, c'est de mettre le moins de noir possible. Et donc, Scipion disait, c'est 10% maximum pour une grille de 10-10, il ne faut pas en mettre plus de 10, etc. Et donc, moi, je me suis appliqué à descendre ce nombre, à 9, 8, 7, maintenant je suis presque à 6 toujours. Et donc, ça n'intéresse personne. Un lecteur m'a dit un jour, votre virtuosité vous regarde, nous, ça ne nous intéresse pas du tout. En quoi il se trompait, parce que plus il y a de croisements, plus on est tiré d'affaires. Donc moins il y a de noir, plus il y a de croisements, et donc plus on y arrive. Mais vous n'avez pas le fantasme de la grille blanche, pour autant. Non, ça, je sais très bien que c'est impossible. Et puis, ou alors c'est possible à tel prix. Il y a aussi un pacte entre le lecteur et moi, c'est qu'il n'y a pas de mots rares, il n'y a pas de choses très très bizarres, comme il y avait par le passé chez Favalelli, par exemple, qui était un monsieur très très érudit, comme ça, qui connaissait plein de mots d'origine grecque que personne ne connaissait. Le mot croisé doit se faire dans un train avec son crayon et c'est tout. Et pas de dictionnaire et pas internet pour chercher les choses. Donc l'astuce, le piège est entre l'Édipe et le Sphinx. Voilà, c'est tout. Vous êtes cruciverbiste, Hervé Le Tellier, Julie Pellegrin. Moi, non. Je suis toujours très admiratif des définitions de mots croisés. Voilà, j'en retiens des dizaines tellement je les trouve fascinantes. Celle de Pérec, par exemple, qui, c'est vrai, parfois pouvait traduire « mou » par « lâche ». Mais il y en a qui sont formidables. Je me souviens d'une qui était « elle a vraiment commencé en 6 lettres ». C'était « érosio ». C'est-à-dire qu'il avait retiré le N. Oui. Voilà, il faisait des choses comme ça. C'était ses contraintes, justement. Il y en a une autre, avec une autre faute d'orthographe. Il l'est vraiment. Amputé. Il l'est vraiment. Non, amputé avec A-N. C'est ça. Oui. Elle a vraiment perdu une jambe. Ah oui, c'est ça. Parce que M a une jambe de plus que le N. Ouais. Ça, c'était vraiment formidable. D'ailleurs, je pense qu'il a commis la faute d'orthographe, non pas parce qu'il n'a pas réussi à terminer sa grille en mettant un M, mais pour pouvoir la faire. Oui. Voilà, je trouve ça assez formidable. On avait un jeu à l'Oulipo qui était ce qu'on appelait la surdéfinition, qui est d'écrire un mot et de trouver un autre mot dedans. Par exemple, si on dit un refuge dans un cabriolet, abri. Voilà, parce que dans le mot cabriolet, il y avait le mot abri. Et ça, c'est un jeu oulipien qu'on aime bien et qui vient d'ailleurs, je crois, de ce que faisait Binse. Binse aimait beaucoup ce genre de choses. En exergue de votre essai, Jacques Drillon, une citation, « Faites des mots croisés ». Emprunté à Lacan, étant entendu que faire des mots croisés peut s'entendre, j'imagine, aussi bien comme les fabriquer et les trouver. C'est une évidence, j'imagine, que Lacan, cruciverbiste, ou qui écrivait une grille difficile, est une séance d'analyse gratuite au cours de laquelle on ne pleure pas. Ce qui n'est pas sûr, d'ailleurs. Oui, c'est-à-dire que je me suis rendu compte que l'état d'esprit dans lequel il fallait être pour fabriquer la grille et donc pour la résoudre, car c'est le même état d'esprit inversé, mais c'est le même, était proche de l'état d'esprit dans lequel on est lorsqu'on doit associer librement en séance d'analyse. C'est-à-dire que si vous êtes, si vous vous contrôlez, si vous êtes dans votre logique habituelle, avec votre état d'esprit, dans l'état d'esprit dans lequel vous êtes normalement, vous ne trouvez pas la solution parce que l'Édipe est prisonnier de sa logique. Et donc il faut pouvoir laisser son esprit flotter dans une région intermédiaire entre la veille et le sommeil, qu'on appelle hypnagogique. C'est donc ce moment où l'esprit commence à divaguer. Et quand il divague, il est libre. Et à ce moment-là, il considère les mots d'une autre manière, et d'une manière qui est très très proche de l'association libre de l'analyse. Et c'est amusant d'ailleurs, parce que j'ai parlé de cette histoire à des analystes il n'y a pas très longtemps, des lacaniens, et pour eux, c'était absolument l'évidence. Tous ces jeux sur les mots, en plus j'adore les définitions par homophonie, qui sont les plus tordues et souvent les plus crado aussi. Donc c'est très amusant de faire, par exemple, j'ai fait récemment quelque chose qui m'a beaucoup amusé moi-même. Je devais définir, parce que j'étais arrivé en fin de grille, c'était l'arbre à pistache qui est le pistachier. Et c'est très embêtant de faire de définir un arbre comme ça. Et j'avais trouvé cet échappatoire de dire c'est un arbre plus qu'un chemin de brousse vraiment exécrable. Une pistachier. Voilà. Faut le temps que les lacaniens, c'est instantané, ils comprennent tout de suite. Ah oui. Idée reçue sur les mots croisés, on y apprendrait quelque chose. C'est tout le contraire, écrivez-vous Jacques Drillon. Qu'est-ce qui ferait qu'on s'y anarchise, qu'on s'y déséduque? Justement, parce que toute l'éducation vise à vous faire bien concevoir pour énoncer clairement, etc. Utiliser les mots précis, alors que dans le mot croisé, tout est à peu près. Et aucune définition n'est exacte. Ce sont des phrases qui peuvent paraître vraies, une sorte de mentir vrai à l'Aragon ou de mensonge qui dit toujours la vérité, de Cocteau, ça paraît vrai, et puis en fait, c'est pas ça du tout. Donc, c'est de l'anti-définition, c'est l'anti-lexicographie. C'est pour ça qu'on n'y apprend rien. Le verbicrucis doit être loyal, pourtant, la duplicité lui est interdite, écrivez-vous. Qu'est-ce que ce serait que la duplicité dans ce cas-là, dans le cas d'un verbicruciste? Eh bien, c'est une trahison. Par exemple, c'est le défaut que je trouve à Pérec parfois, c'est que il est inconstant. Donc, parfois, on cherche quelque chose qu'on n'a pas à trouver. La règle du jeu doit être, comme dans tous les jeux, la règle doit être claire. Ou bien vous êtes toujours difficile, ou bien vous êtes jamais difficile, mais vous n'avez pas le droit d'être parfois difficile et parfois facile, parce que le joueur ne sait pas sur quel pied danser, et il doit savoir sur quel pied danser. Voilà, c'est ça, la duplicité. Mais parfois, vous pouvez faire semblant d'être duplice. C'est terrible. C'est du deuxième, troisième degré. Et puis, vous ne l'êtes pas. Ça doit être déclaré entre le joueur et vous. Merci à tous les trois, Hervé Le Tellier, Julie Pellegrin, Jacques Drillon. C'est la fin de cette émission presque. Je vous laisse la prolonger entre vous et sans moi. Bonne nuit à vous. Alors, est-ce qu'il y a l'équivalent du mot croisé? Par exemple, est-ce qu'on peut imaginer en peinture quelque chose qui ressemblerait au mot croisé, en mélangeant des peintures ou est-ce qu'il y a eu des tentatives en musique, par exemple, de faire des grilles? Parce que ça commence par un... Le livre présente le très joli cryptogramme de Bach, où Bach... écrit B-A-C-H. Écrit B-A-C-H sur quatre portées qui commencent toutes l'une par l'une de l'Est, l'une de l'Ouest. Une de, voilà. Ça, c'est absolument magnifique. Mm. On peut imaginer imaginer ça en musique, ça, des portées qui se croisent et qu'on pourrait lire de manière différente à chaque fois? Je n'y avais jamais pensé. Pourquoi pas? Mozart avait inventé un jeu de cartes qui était le même système que les 1000 milliards de poèmes de Queneau. Donc mais c'était beaucoup plus de 1000 milliards. Ouais. Beaucoup, beaucoup, beaucoup plus. Où on écrivait des menuets de 32 mesures avec un nombre de combinaisons absolument affolantes. J'en ai essayé plein, ça marche tout le temps. Enfin, bon, c'est admirable. Pour les notes qui sont finalement des sortes de lettres, on pourrait imaginer... Le problème, c'est que la musique n'a pas de sens. Oui, c'est ça. Voilà, c'est ça. Mais il y a des partitions de Bach qu'on peut retourner. Oui. Pour obtenir une autre mélodie. Oui. Voilà. Donc ça existe, même s'il n'y a pas de sens. Voilà, c'est vrai qu'en littérature, il y a un sens. Il y a des palindromes, ça, dans ce cas-là, oui. Le palindrome, oui. Oui. Est-ce qu'il y a des croisements aussi avec est-ce qu'il y a des gens qui, par exemple, font des mots croisés que avec des palindromes? Est-ce que ça a déjà été fait, ça? Mais c'est pas drôle. C'est pas drôle. Ce qui est bizarre, c'est que toutes les améliorations qui ont été apportées aux mots croisés se sont révélées pas drôles. Ouais. Ils sont parvenus à un point Enfin, c'est parfait. Il n'y a pas d'amélioration à y apporter. J'ai essayé avec les diagonales, par exemple. Ouais. Et c'est tellement monstrueux comme contrainte d'ajouter deux diagonales. C'est impossible, mais au moins une diagonale. Ouais. Et ça affiche en l'air toute la grille. Et vous avez plein de chevilles dans tous les sens et des noirs partout. Et c'est pas possible. Poésie et ainsi de suite, c'est vendredi prochain, même heure. Merci à Anne-Vanessa Prévost pour la préparation, à Emmanuel Morse-Duncamp pour la technique et à Marie-Laure Ciboulet pour la réalisation. Merci à Hervé Tellier, Julie Pellegrin, Jacques Drillon. Vous trouverez les actualités de nos invités du soir sur le site de l'émission, à réécouter ou podcaster sur franceculture.com. Mais tout de suite, c'est minuit et c'est les nuits de France Culture par Philippe Garbi.